Hey, mami, mamacita. Oh ma belle, d'où viens-tu? Quelle beauté. Quand je te regarde, tu m'inspires la joie, la bonté. Dis-moi quel homme t'a fait souffrir, je soignerai tes plaies. J'ai les mots, les gestes pour ça, laisse-moi faire, s'il te plaît. J'aime ta façon d'agir, oui, tu brilles de mille feux. D'après les hommes et les femmes, tu n'as pas besoin de. T'as mis le monde à tes pieds, serais-tu paradis? Tu sais, Mamadou est juste avec un sourire. Reste comme tu es, comme tu es. Mucho Zaga. Yeah.